Dossier 7, phonigraphie, leçon 1, différenciation de, des, le, les, ce, c'est, te, t'es. Activité 1. A. Je prends le poisson. B. Je prends ces citrons. C. Il n'y a pas de dessert aux fruits? D. Voici la carte des desserts. E. Il y a beaucoup de desserts. F. Je n'aime pas ce dessert. G. Je voudrais juste des fruits. H. Donnez-moi une salade de fruits. I. Nous avons beaucoup de plats exotiques. J. Nous avons des plats exotiques. K. Je vous fais des bonnes omelettes aux oignons. L. J'adore tes délicieuses omelettes. M. Je prépare bien le poulet. N. L'assiette de salade, c'est pour vous? O. Je voudrais la carte des salades, s'il vous plaît.